il pèse 180 livres. Ostov est vu comme un attaquant de puissance et qui a été le premier choix des Flyers de Philadelphie vendredi dernier. Yannick Jean a jusqu'au 10 janvier 2017 pour signer une entente avec l'équipe. À noter que le pilote et entraîneur-chef des Saguenayens va certainement espérer que Dmitri Zoukinov, qui est un bon ami du choix des Sags hier, va aider à le mettre sous contrat. Maintenant, notre collaborateur Marc Fortier est devenu l'entraîneur adjoint hier chez les Remparts de Québec. Donc, il va seconder Philippe Boucher pour la prochaine année. Marc a été congédié en 2014 en compagnie de l'entraîneur-chef Patrice Poche chez les Saguenayens. À noter, il sera accompagné par Ghislain Rousseau, qui sera l'entraîneur des gardiens de but, et Daniel Renault, qui lui va prendre du galon au sein du personnel d'entraîneur des Remparts de Québec. Maintenant, puisqu'il est question de hockey, le maire de Robertval, Guy Larouche, a confirmé hier à danradiosport.com que la ville songeait à honorer Samuel Girard durant possiblement la traversée du lac Saint-Jean. On va écouter là-dessus le maire de Robertval. Écoutez, on est en train de regarder voir de quelle manière on peut souligner là, cet événement-là. Chose certaine, présentement, il est déjà au camp d'entraînement à Nashville. Il y a quand même un horaire assez chargé, mais avec la vue de la traversée, ben sûrement donc on va trouver moyen là de profiter de tout ça, de profiter également de l'achalandage pour souligner justement. C'était le tournoi de la classique de Dolbeau Saint-Prime en fin de semaine, respectivement au club de golf de Dolbeau et de Saint-Prime. Il y avait 100 joueurs des deux clubs qui se sont présentés pour l'événement. À noter maintenant que Jacques Besson, Gilles Tremblay, France Kurtnes et Yves Gagnon ont remporté la victoire en classant avec un pointage de 21. La deuxième place est allée avec un pointage de moins 19 à Martin Lemieux, Junior Richard, Denis Gill et Réal Bouchard. L'équipe gagnante dans la classe B, ça a été Gilles Asselin, Monam Moreau, Michel Genet et Alain Michaud avec un pointage de moins 17. Et maintenant, Jean-Guy, Robin Gagnon, Serge Hudin et Rachel Rioux ont terminé en deuxième place en classe B. Il y a le circuit junior du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'arrêtait à Dolbeau-Mistassini hier. Notons que dans la classe Bantam 13-14 ans, Nathiel Gagnon a pris le deuxième rang, un pointage de 80. Et dans la catégorie POI 11-12 ans, Julien Savard a gagné avec un pointage de 98. Et maintenant, je termine avec des résultats de soccer. Il y avait beaucoup de matchs hier dans les différentes ligues qui nous intéressaient. D'abord, on va commencer dans la catégorie U12 féminin. Victoire de l'attaque de Saint-Prime 2-1 sur Métabetchouan dans la Croix. À Saint-Félicien hier, dans la catégorie U14 masculin, verdict nul de 4-4 entre le Chinook et le FC de Saint-Félicien. Dans la catégorie U14, maintenant, Robertval a perdu 2-1 contre le Boréal d'Allemand. Et dans la catégorie masculin, à noter que Robertval United a perdu 4-2 contre le Chinook. On parle évidemment de la catégorie U12. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Éric Langevin, qui est un pilote des régates. On lui a parlé dimanche aux régates de Saint-Félicien. Martin Germain vient nous parler maintenant de la compétition de CrossFit qui a eu lieu en fin de semaine. Et le boxeur Francie Ntetu vient nous parler de sa défaite de vendredi dernier, samedi dernier plutôt, sa première défaite en carrière. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.